Exercice 12, page 133. A. Réfléchir. Refuser. Effacer. Refermer. Refroidir. B. Dauphin. Lapin. Éléphant. Pharaon. Géographie. C. Offrir. Souffrir. Coiffer. Confier. Chauffer. D. Village. Cheval. Voisin. Voiture. Wagon.